début de soirée et joyeux Noël tout le monde. 18h à 10h, tout de suite un nouveau point info national et international. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. Pour l'acte 6 des Gilets jaunes, les autorités s'attendent à une baisse de la participation demain, mais avec la présence d'individus plutôt radicalisés. Hier, le ministère de l'Intérieur a recensé 3680 manifestants, le chiffre le plus bas depuis le début de la mobilisation. Le dispositif de sécurité sera donc adapté, allégé. 59 unités de force mobile seront déployées sur toute la France, soit plus de 4100 CRS et gendarmes mobiles. La plus forte concentration des unités mobiles sera à Paris avec 17 unités, soit 1230 CRS et gendarmes mobiles. Là où 4600 policiers et gendarmes ont été mobilisés le 1er décembre et jusqu'à 8000 le week-end dernier. Francis Holm a été condamné à la perpétuité en appel par la cour d'assises des Yvelines pour le meurtre de deux garçons de 8 ans en 1986 à Montigny-lès-Metz, un crime pour lequel Patrick Dils a passé à tort 15 ans en prison. La cour a confirmé la peine prononcée en première instance malgré l'absence de preuves matérielles ou d'aveux venant de l'accusé déjà condamné pour 9 autres meurtres et incarcéré depuis 1992. L'accusé dispose d'un délai de 5 jours pour se pourvoir en cassation, ce qu'il compte faire selon ses avocats. Une personne a été tuée et une autre grièvement blessée par balle aujourd'hui dans le centre historique de Vienne en Autriche, selon la police locale. Celle-ci recherche activement un suspect. Sur Twitter, elle a assuré que l'hypothèse d'un motif terroriste était totalement exclue. Il n'y a pas de danger pour les personnes qui ne sont pas impliquées, a assuré la police, même si un périmètre autour des lieux a été verrouillé. Plusieurs personnes qui pourraient être impliquées ont déjà été contrôlées, a affirmé la police peu avant 16h. Il y a encore de la neige à Noël dans une partie de la France, mais la situation empire. L'année 2018 devrait être la plus chaude jamais enregistrée en métropole depuis le début des relevés de température en 1900, a annoncé Météo France. La température moyenne sur l'année devrait être de 14 degrés, soit 1,4 degrés de plus que la normale de référence. Pour la première fois depuis le début des mesures, la France métropolitaine a connu 9 mois consécutifs au-dessus des normales d'avril à décembre. L'été 2018 a été le second été le plus chaud depuis 1900 après 2003. Enfin, Tessa Worley a finalement signé un excellent retour à la compétition à Courchevel lors du géant. La Française a réussi à grimper dans le top 3. L'Américaine Michaela Schifrin l'a emporté devant l'Allemande Victoria Rebensburg. Sur la plus normande des radios, Ludo, 17h, 19h. Dans quelques minutes, David Guetta avec un Say My Name, mais tout de suite le nouveau Feder avec Control. Et joyeux Noël tout le monde. L'After School d'espace. I got a melody. Now I'm trying to find the words to put things in reverse. If you could see what I see, you could. Then you know just what you are. You're everything I want. You're everything that I want. Baby, go talk the way you're not supposed to. Your body can do the rest. You know it. And if you need a little mind vacation, press your cheek against my chest. When I'm with you, I lose control. When I'm with you, I lose control. Another second to try to catch my breath. My mind is in a maze. You should be on top of this, but you got me on the run. Now I'm tripping on your love.

School sur Espace avec Ludo. L'After School. L'After School. Let's dance, it's a DJ, make the music play. Make the girl dance. Hope the DJ plays our song so you can find me and dance behind me. Down the line. You love how I dip and wind. With you it happens every time. My body's lonely for you only. Something about you got me sweating, sweating. Baby, I'ma drive you loco, loco. Now you got my body shaking, shaking. Hey. I wanna dance with you all night. Send me the hot top celebrity, only me. Give the girl love properly, only me. Give the girl love it endlessly. We give her all of me energy. So me's a DJ, turn off the sound. Make sure move her body, only me. Give the girl love properly, only me. Give the girl love it endlessly. Hey DJ, l'instant avec Meghan Trainor et Sean Paul sur Espace. Bonnes vacances. Avant 18h30 dans la catégorie des Classic Dance, nous écouterons ça. Les Classic Dance. Viola Wills avec Gonna Get Along With Fortuna sur Espace, hein, dans mon lit Picardy. Moi je vais doucement parce qu'il est un peu compliqué celui-là. Il sera mixé avec un petit jazzy dip. Le son Funky Mix. Funky Mix. Le Père Noël Espace est à nouveau passé tout à l'heure vers 17h15 et ça s'est passé comme ça. Oui, allô? Oui, bonjour, comment ça va? Très bien. Alors d'après mes infos, je suis sur le Vexin Normand, c'est ça? Oui, c'est ça, à Boisemont. À Boisemont, tiens, Boisemont. On peut écouter de temps en temps en bossant ou à la maison, on peut écouter la radio par exemple. Bah oui, comme Espace avec Ludo. Bon d'accord, j'ai même pas le temps de poser la question, ça y est, ça s'est fait, c'est dans la boîte. Ah bah oui. Bon, fidèle auditrice d'Espace. Oui, j'écoute beaucoup Espace, oui. C'est super bien en fait, puisque c'est Ludo et le Père Noël en personne. Ton prénom c'est Sandrine, c'est ça? Oui, c'est ça. Eh bien écoute, super Sandrine, donc de Boisemont, qui écoute régulièrement Espace, le Père Noël aujourd'hui t'offre un écran Full HD MP4 32 pouces. Wow, super. T'avais déjà peut-être un écran quand même chez toi, voire deux. Oui, bah oui, quand même, parce qu'avec le fiston ado, on a tout ça. Il a quel âge ton fiston? 16 ans et demi. Et son prénom, c'est comment? Alexis. Alexis. Bon, bah écoute, comme tu m'as parlé de ton fiston, forcément, moi j'ai un Père Noël super cool dans cette radio. On va lui offrir en plus une petite enceinte connectée, genre en mode Bluetooth. Ah, super, génial, merci. Avec plaisir. Donc, Boisemont, alors moi je connais bien Boisemont. Hein. On a eu des appels, notamment pour le Père Noël, des gens de Farceau, ce qui n'est pas très très loin. Ah oui, ouais. Je vois un Fluménil aussi, ce n'est pas très loin de chez vous. Ah oui, c'est pas très loin aussi, oui. On a eu deux demandes d'écouilles, c'est pas très loin non plus. Ah oui, c'est sur le plateau, tout ça, oui. Voilà, c'est La Neuve-Grange, j'ai eu une demande de Père Noël et j'en ai eu quatre, je crois, de mémoire, il faut que je vérifie, mais des Trépanis et des alentours. Ah oui, donc ouais, c'est vraiment sur le plateau, là, on n'est pas loin tout ça. Bien écoute, on est ravis de t'offrir ce cadeau en tant qu'auditrice fidèle d'Espace. En plus, un petit cadeau pas imprévu, mais pour ton fiston. Ah, c'est très gentil. Bah, c'est avec plaisir. Vous faites le réveillon de Noël à la maison, ailleurs ? En famille. En famille, mais chez toi ou t'es invitée ? Je suis invitée chez les beaux-parents. Trop bien, pas de vaisselle, tout ça, pas de rangement. Ah ouais, c'est très bien ça. C'est trop de la balle ça. Toute l'équipe d'Espace, on vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Oui, et moi j'aurais voulu aussi en profiter pour faire un petit bonjour à tout le monde et tout particulièrement un joyeux anniversaire à mon beau-père aujourd'hui, Jackie, il a quel âge Jackie, on peut le dire ou pas? Oh bah comme on veut, hein, sur tes 11. Bon, c'est comme tu veux, hein, si tu veux manger ou pas à Noël, parce que t'es invité chez eux oui, peut-être. Voilà. Bon, j'ai entendu le 71, ça va, il est jeune, tout va bien encore. Oui, très bien. Bah écoute, je verrai ce que j'ai en stock en cadeau qui reste, parce que là je commence à avoir grave plombé la hotte du Père Noël. Mais je verrai pour Jackie, et puis on lui souhaite également un bel anniversaire, et on l'embrasse aussi. À très bientôt Sandrine. Bah merci, et bonne journée à tout le monde. Et bonne journée à toi, et bon week-end. Merci, allez, au revoir. Bisous, au revoir. 17h, 19h. Ludo à la radio. Espace. Falling into you, baby. Even electricity can't compare to what I feel when I'm with you. Oh, baby. Giving up my ghost for you. Now I'm see through. You give me a feeling, feeling so strong. I'm City à l'instant avec Electricity sur la pluie normande et Picard des radios. Très bon réveillon de Noël forcément et belle fête globalement de fin d'année tout le monde. Le Père Noël Espace va continuer à offrir des cadeaux jusqu'au 25 décembre forcément. Maintenant, je vous envoie 5 minutes de son 80 en mode Funky Mix. Ludo on the radio. Espace. You ran around with every girl in town. You didn't even care if it got me down. I wanna see you grooving. I'm gonna move your feet. It was you here, gonna freak you there. I wanna take you out of this atmosphere. Well, I'm a jazzy D, I play lead guitar. But let me tell you, people, I'm a superstar. Well, now lead guitar ain't my main thing. See, I rock the mic, I can even sing. The USA from east to west is the land where the DJs rock the best. But all the other MCs from the other states to be coming my way to participate. But when they come away, you can't believe how I pull them my rhymes down out of my sleeves. See, I'm a rapper magician, the man of the year. And all the other MCs just disappear with a stroke of my hand and a word in the mic. I rock to the rhythm all through the night. And when the night is gone, that's okay. I rock to the beat all through the day. Well, I'm through for now. Un petit Jazzy D à l'instant avec Get On Up, souvenir sur la plus normande et Picard des radios. Passez un excellent week-end de bonnes vacances. 18h quasiment 32. Tout de suite, l'info locale et régionale sur Espace. Espace. Espace. L'info régionale. Normandie-Picardie. Bonsoir à tous. À l'occasion des fêtes de fin d'année, afin de prévenir les violences, les accidents graves ainsi que les dégradations, notamment par incendie, le préfet de l'Eure a pris 3 arrêtés. La distribution, la vente et l'achat de carburant, de produits chimiques inflammables ou explosifs à emporter en contenant transportable est interdit à partir de ce soir 20h et jusqu'au 2 janvier. Idem pour la vente et l'utilisation d'artifices. La vente d'alcool à emporter sera interdite les nuits des réveillons de Noël et de la Saint-Sylvestre. Dans le contexte du plan Vigipirate pour ces fêtes de fin d'année, la préfecture de Seine-Maritime prévoit une intensification des patrouilles, particulièrement dans les zones et centres commerciaux, les marchés de Noël, mais aussi les commerces de proximité, les gares routières et les gares ferroviaires. Enfin, à l'occasion des vacances scolaires, les préfectures de l'Eure et de la Seine-Maritime appellent tous les automobilistes à la plus grande prudence sur les routes en raison des conditions climatiques. Par ailleurs, une sévérité particulière sera appliquée face aux excès de vitesse, conduite sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants, distracteurs de conduite tels que le téléphone et le non-port des équipements de sécurité. Des contrôles de vitesse seront également réalisés sur les parcours les plus accidentogènes par le biais de voitures radars externalisées. Le centre de supervision de l'Oise à Beauvais sera mis en service en janvier prochain. Il aura la particularité de relier toutes les caméras de vidéosurveillance du département. En plus des bâtiments officiels, 3 à 5 collèges du département sont en cours de raccordement à titre expérimental et une dizaine de communes volontaires seraient intéressées aussi à ce que leur dispositif de vidéosurveillance soit raccordé au centre. Chaque caméra pourra être visualisé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Un budget de fonctionnement de 550 000 euros pour un an a été alloué au centre. Déjà, plus de 90 caméras y ont été reliées et 30 autres devraient rejoindre le système avant la fin de l'année. La production mondiale de foie gras cru est estimée en 2017 à plus de 18 000 tonnes, dont un tiers issu d'élevage français. Star des repas de fête de fin d'année, le foie gras est pourtant dénoncé par les associations de protection animale et pro-vegan, à l'exemple de 269 Life, qui juge la méthode de production cruelle. Écoutez Léo Lester, représentant normand. Enfoncer une tige de 20 à 25 cm dans la gorge d'un animal pour lui faire entrer un demi-kilo de nourriture en quelques secondes, ça provoque des souffrances incroyables, des maladies, voire même ça entraîne la mort parfois, pour quelque chose qui aujourd'hui n'est pas nécessaire pour passer de bonnes fêtes, des fêtes goûteuses aussi, parce qu'on a plein d'alternatives végétales qui existent. Pour convaincre les Français de renoncer au foie gras, des actions de sensibilisation sont menées, et notamment la dégustation de produits festifs vegan, dont un faux gras. Des amidons de pommes de terre, de l'huile de tournesol, et des ingrédients quand même pour donner du goût et un côté festif, on a du champagne et des truffes. On l'a fait déguster dans les rues, les passants, les passantes étaient bluffés. On a eu quasiment que des retours positifs. Ce faux gras trouve d'ailleurs de plus en plus d'écho chez les Français. Aujourd'hui, c'est 40% des Françaises et des Français qui refusent d'acheter du foie gras pour des raisons éthiques. 60% pensent que le gavage devrait être interdit. Pourtant, en 2017, les Français ont acheté plus de 5600 tonnes de foie gras, soit près de 6% de plus en 2 ans. Côté sport, en football en national, Quevilly-Rouen Métropole accueille Drancy ce vendredi pour le dernier match de phase aller du championnat. Et puis en basket, en Pro B, ce soir, les joueurs de Rouen rencontrent leurs homologues d'Aix-Maurienne. Ce vendredi également, les Hébroïciens réceptionnent les Lillois. Vent, pluie, soleil, brouillard, froid, quel que soit le temps, votre confort, c'est JV Service. La météo en Normandie avec Jean Vasseur et toute l'équipe JV Service. Côté météo, demain en Normandie et Picardie, temps nuageux ou pluvieux en matinée avant le retour de quelques timides éclaircies dans l'après-midi avec toujours un peu d'averse et un ciel qui va se dégager plutôt en fin d'après-midi. Côté température, comptez dans l'après-midi 10 degrés pour Formerie, 11 degrés pour les Andelys, Gournay-en-Bray et Beauvais, et enfin 12 degrés pour Louviers.

And since we've no place to go, let it snow, let it snow. Let it snow, en intégralité, juste après la proc-télé de David. L'Immobilière Normande, groupe de 8 agences, 20 conseillers pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90 vous présente votre programme TV. Salut à tous, nous sommes le vendredi 21 décembre. Ce soir sur TF1, c'est Noël, tout est permis avec Arthur. Bon, comme d'habitude, il va recevoir ses potes ou les artistes qu'il produit sur scène. Artus, Cartman, Camille Combal, Jarry, Christophe Beaugrand, voilà quoi. C'est pas mauvais, loin de là, c'est juste relou parce que c'est tout le temps la même chose. France 2, les petits meurtres d'Agatha Christie pour débuter la soirée avec des rediffusions et comme par hasard, à quelques jours de Noël, c'est un crime à Noël. 22h45, Nagui est encore dans la télé le midi, en fin d'après-midi et même en deuxième partie de soirée avec Taratata 100% live ce soir, Claudio Capeo, Stéphane Echer ou encore Soprano. France 3 300 cœurs pour les fêtes, alors qui vient chanter ce soir avec la grande chorale? Kenji, Jennifer, Soprano, Vita, Obispo, ce sont tout le temps les mêmes. Canal, Santa et compagnie, c'est un film 2 et avec Alain Chabat, l'histoire se passe au pôle Nord et le Père Noël alias Santa Claus mène une vie paisible avec son épouse. Alors Alain Chabat avec une barbe blanche comme ça, t'as vraiment l'impression que c'est le Père Noël ou alors un rabbin, parce que là franchement, il pourrait faire les deux. Arte, l'enfant de personne, un téléfilm sentimental allemand, c'est l'histoire d'une médecin qui part assister aux fiançailles d'une dame d'enfance, mais le corps d'une jeune étudiante est retrouvé et du coup ça va gâcher la fête. M6, le vendredi c'est Ravioli, non, c'est Gibbs et ses amis, NCIS avec que des rediffs toute la soirée. Le meilleur de la TNT, Access Prime, un an dans les coulisses de TPMP. Les mecs arrivent à se faire une émission sur leur propre émission, il est trop fort. Hanouna, TMC, un documentaire La vie secrète des chats. Le chat est fourbe. Il arrive à côté de toi. Miaou, miaou. Hein, tu le caresses gentiment. Et d'un coup, il sort les griffes et il te défonce le bras avec ses pattes arrière. Bref, le chat est fourbe. Voilà, c'est terminé. On se retrouve demain à la même heure et bonne soirée télé. C'était votre programme TV avec l'Immobilière Normande, groupe de 8 agences pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90. Et maintenant, écoutez un titre que vous n'entendez jamais sur Espace. Jamais. Ça va vous surprendre. Mais Ludo est assez fou pour vous le diffuser. 19h d'Orient, 21h, Funky Mix avec Manu. Et moi, je vous retrouve dimanche 11h pour de nouvelles aventures avec le Père Noël. Passez une très belle soirée. Voici un Dean Martin avec un Let It Snow sur Espace. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you'd love me so, let it snow, let it snow and snow. Tout le monde, bonsoir, soyez les bienvenus sur Espace en Normandie, en Picardie. C'est le vendredi 21 décembre, il est 19h, les infos. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. Pour l'acte 6 des Gilets jaunes, les autorités s'attendent à une baisse de la participation demain, mais avec la présence d'individus plutôt radicalisés. Hier, le ministère de l'Intérieur a recensé 3680 manifestants, le chiffre le plus bas depuis le début de la mobilisation. Le dispositif de sécurité sera donc adapté et allégé. 59 unités de forces mobiles seront déployées sur toute la France, soit plus de 4100 CRS et gendarmes mobiles. La plus forte concentration des unités mobiles sera à Paris, avec 17 unités, soit 1230 CRS et gendarmes armes mobiles. Francis Holm a été condamné à la perpétuité en appel par la cour d'assises des Yvelines pour le meurtre de deux garçons de 8 ans en 1986 à Montigny-lès-Metz, un crime pour lequel Patrick Dils a passé à tort 15 ans en prison. La cour a confirmé la peine prononcée en première instance malgré l'absence de preuves matérielles ou d'aveux venant de l'accusé déjà condamné pour 9 autres meurtres et incarcéré depuis 1992. L'accusé dispose d'un délai de 5 jours pour se pourvoir en cassation, ce qu'il compte faire selon ses avocats. 6 personnes ont été mises en examen, notamment pour torture et barbarie sur un bébé âgé de 2 ans placé en coma artificiel, a indiqué le procureur de Douai dans le Nord. L'enfant, dont le pronostic vital est réservé, a subi en particulier une série de sévices servant à certains moments de punching ball lors de 2 soirées à plusieurs jours d'intervalle chez un couple d'amis de la mère à Aubergécourt. Ce couple a 5 enfants au total qui auraient eux aussi subi des violences depuis longtemps de la part du père en particulier. Les vols sont à nouveau suspendus à l'aéroport de Gatwick au sud de Londres après un nouveau signalement de drones près des pistes, annonce l'aéroport. L'aéroport avait déjà été fermé mercredi après que 2 drones eurent été vus en train de survoler le site. Il a rouvert brièvement dans la nuit avant de refermer à nouveau hier matin et la piste n'a pu être rouverte dans la journée car les drones ne cessaient de réapparaître. Hier soir, la police a expliqué que les drones avaient été aperçus plus de 50 fois depuis mercredi soir. L'armée a été appelée à l'aide et le ministère de la Défense a annoncé avoir déployé du matériel spécialisé pour aider la police à traquer les drones. Enfin, un immense lac de glace a été photographié à la surface d'un cratère de la planète Mars. Le cratère en question mesure 82 km de diamètre. Son centre abrite une couche de glace de 1,8 km d'épaisseur toute l'année. Sur la plus normande des radios, Dorian. Et ça y est, ce sont les vacances de Noël. C'est l'heure de se reposer dans l'afterwork. Plus de sons, plus de tubes. L'afterwork de ce vendredi soir commence maintenant avec Sound of Legend, c'est All That Secondhand. Passez une très belle soirée.